En Corée, des succès sont enregistrés toujours dans les travaux de redressement des régions sinistrées de la province du Hamgyong du Nord. Le ministère de l'Industrie électrique et les personnels des stations de transmission et de distribution de l'électricité des provinces du Hamgyong du Sud et du Nord et du Yanggang ont rétabli les sous-stations de transformation de courant et les réseaux de transport électrique de plus de 65 lieues. La réparation des poteaux électriques est achevée à peu près 95% et les travaux de câbles électriques touchent à leur fin. Dans l'arrondissement de Musan, les travailleurs ont achevé dans un court délai le bétonnage de fondations des maisons d'habitation de plusieurs milliers de foyers et accélèrent maintenant le murage et le plâtrage de l'extérieur et de l'intérieur. À l'arrondissement de Gyeonghun, le murage a fini jusqu'au 2 octobre pour les maisons de plus de 200 foyers. D'autre part, le complexe de ciment de Sangwon a produit jusqu'à présent plus de 70 000 tonnes de ciment, tandis que le complexe de ciment de Suncheon a créé un record journalier depuis 20 ans.